Bonjour, donc la proposition c'est de ce séminaire, parce que j'ai écrit pour le séminaire, en effet, j'ai senti, parce que j'étais ici 3 jours, j'ai senti que c'était un peu difficile de la concrétiser, parce que j'essaie de voir des élections, il n'y a pas. Il n'y a pas des signes visibles. Des élections présidentielles. J'ai essayé d'écouter dans les ports, sur les portes, écouter dans les cafés, mais les gens ne parlent pas trop d'élections, ce qui est intéressant. Donc c'est comme un long sujet, ce que j'avais proposé comme séminaire. Bien que c'est un fantasme, je suis sûr, un fantasme sur la tête de beaucoup de gens, ce qui va se passer dans un mois ici. Donc, ceci dit, avec ces difficultés, peut-être je commencerai par me présenter un peu et présenter quelques motifs, quelques raisons pour avoir choisi ce sujet. Et aussi d'être en contact avec Jean-Bernard. Et donc, je fais comme Jean-Bernard a dit, je suis prof à Lisbonne d'anthropologie. Je fais anthropologie, je travaille surtout sur l'Éthiopie. Et pendant beaucoup d'années, j'avais comme une deuxième vie, une second life. Une de mes deuxièmes vies, c'était faire des dessins, de faire des comics, des BD. Mais je n'ai jamais mis les deux activités en contact. C'était à un moment donné, précisément en Éthiopie, je me suis rendu compte, parce que quand je vais au terrain, j'ai mes carnets sont des carnets de notes, aussi des carnets de dessins. Un jour, je me suis rendu compte que c'était peut-être intéressant de penser un peu ce que je faisais avec mes carnets. Et à la fin, j'ai publié un livre sur l'Éthiopie avec des dessins. Et j'avoue que ça m'a poussé un peu vers l'idée que peut-être illustrer ou dessiner, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire en anthropologie. Donc ça a commencé par cela. Comme un de mes intérêts, c'est travailler sur ce que l'anthropologie a à dire à la cognition. Donc je travaille aussi en étude de la cognition. Je travaille avec l'Institut indien de technologie, avec leur groupe d'études cognitives. Et donc, je dois trouver ma place comme anthropologue dans une atmosphère où les psychologues prédominent, où il y a l'intelligence artificielle qui aussi prédomine. Et cela a aussi m'aidé à penser un peu qu'est-ce que c'est la cognition visuelle. J'ai commencé à encheminer mes pensées envers qu'est-ce qu'on fait avec le cahier, qu'est-ce qu'on fait au terrain, qu'est-ce qu'on fait quand on recueille des notes. J'ai été pendant un moment, j'ai pas encore publié, j'ai cette idée d'un jour publier un article sur Dan Sperber. Je sais pas si vous connaissez M. Dan Sperber, c'est un anthropologue déçu avec l'anthropologie, disciple de Lévi-Strauss, et qui en effet a été un des premiers anthropologue européen à se pencher sur les études de la cognition, donc a fait le transfert de l'anthropologie aux études de la cognition, de la communication et cognition, mais avec un point de vue qui n'est pas sans controversie, donc il a un jour déclaré il y a beaucoup de temps, 1992, pour que l'anthropologie soit scientifique, il faut qu'elle se divorce de l'ethnographie. Donc c'est très très fort ce concept. L'ethnographie ne sert pas comme support pour faire de l'anthropologie. Ce qui est très fort comme argument, on n'est pas né, et il n'est pas nécessairement le bon argument, mais les questions qu'il a soulevées sont intéressantes. C'est vrai qu'elles sont intéressantes. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est l'ethnographie? Il dit, bon, il n'y a pas de description ethnographique, c'est vrai, il n'y a pas de description. C'est de l'interprétation, c'est vrai. Donc, il dit, bon, si c'est de l'interprétation, c'est trop subjectif. On ne peut pas faire de la science avec cette charge de subjectivité, d'interprétation, des représentations mentales des informants, etc. Mais, sa position est très, très négative et au fait, peut-être, la raison soit peut-être aussi dans le fait que ses rapports avec le terrain ont été un peu dégradés avec la situation politique en Éthiopie parce qu'il travaillait sur l'Éthiopie, sur le sud d'Éthiopie. Et il y a comme une. Il était déçu avec la difficulté de travailler, de faire du terrain en Éthiopie. Et donc, peu à peu, il s'est mis à part, il a complètement sorti de la case de l'anthropologie et s'est penché décidément vers la psychologie de évolutionnaire, la psychologie cognitive. Et c'est un cas très intéressant qui m'a beaucoup fait penser qu'est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est anthropologue? Est-ce qu'on est ethnographe? Qu'est-ce que le terrain? Qu'est-ce que c'est apprendre les choses, traduire les choses, deviner ce que les gens pensent, etc. Et d'autre part, il y a un livre qui est assez intéressant, qui a été organisé par Harvey Whitehouse, qui s'appelle The Debated Mind, la pensée, Debated Mind, c'est pas le traduire en français, pardon. La pensée débattue, la mental mind, c'est pas bien. L'esprit, oui, l'esprit débattu. Donc, questionner. Donc, c'est intéressant parce que c'est un livre qui est monté en deux parties, les arguments des psychologues, les arguments des anthropologues. Et au début, le premier chapitre est un chapitre d'un ex-anthropologue, Dan Sperber, qui argumente contre l'anthropologie, argumente contre l'ethnographie, argumente contre l'acquis. Donc, pour lui, l'acquis culturel est absolument secondaire par rapport à l'inné. Donc c'est en quelque sorte c'est comme un Lévi-Strauss très poussé, très très poussé. Et le premier chapitre de la deuxième partie, c'est d'un homme qui maintenant aujourd'hui est une star en anthropologie, une petite star qui est Tim Ingold, qui lui Tim Ingold de Aberdeen. Dan Sperber et Tim Ingold. Donc Tim Ingold est créé un chapitre qui défait Dan Sperber. Ce que Dan Sperber dit ne fait aucun sens. L'acquis n'est pas seulement. La culture n'est pas fondée seulement dans l'acquis, dans l'inné psychologique, c'est en fait de dialogue entre le contexte, entre l'histoire des contextes. Donc il y a l'évolution humaine, c'est une évolution qui partage entre l'acquis et l'inné. Donc ce sont des propos assez raisonnables qui essaient de contrecarrer et qui contrecarrent, est-ce que ça se dit? Contrecarrent les propos très, très, très radicaux de Dan Sperber. Or, Tim Ingold vient en effet de la biologie, donc c'est un anthropologue qui a fait un chemin assez intéressant, qui joint l'anthropologie, l'archéologie, l'éthologie. Et lui, il s'est commencé à intéresser avec d'autres anthropologues comme Maurice Bloch, qui est de la London School of Economics, français, travaillant en Angleterre, sur les limites de la cognition verbale. Et ça m'a bien intéressé. Qu'est-ce qu'on fait au terrain? Et l'argument de soit de Tim Ingold, soit de Maurice Bloch, c'est un peu celui-ci. Le terrain, c'est fondamental, des façons que peut-être les anthropologues n'apprécient pas vraiment. C'est fondamental, quoique les anthropologues ne valorisent beaucoup d'aspects de leur présence au terrain. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire que là, les deux sont en accord, Maurice Bloch et Tim Ingold. Ils veulent dire que ce qu'on apprend au terrain est beaucoup plus que ce qu'on écrit du terrain. Ce qui est raisonnable aussi. Donc les arguments des gens comme Dan Sperber qui nous disent bon, on ne peut pas faire... on ne peut pas produire une connaissance valide au terrain en faisant ces interprétations et essayer de trouver la rationalité des gens à travers ces échanges verbaux, ça ne monte à rien. Mais eux, ils disent non, ce qu'on fait au terrain, c'est beaucoup plus que faire des échanges verbaux. Et donc, ce qu'on connaît est beaucoup plus riche et qui, en effet, les échanges verbaux, beaucoup de fois, sont comme des obstacles à la connaissance. Donc, c'est l'anthropologue se base sur les enquêtes. Je te demande ça, tu me réponds ça. En effet, ça c'est Maurice Bloch qui le dit. On essaie je veux savoir quelque chose sur une institution ou la façon dont les gens se représentent cette institution sociale, etc. Les gens n'ont jamais pensé à ça. Donc l'anthropologue leur demande à quelqu'un des choses qui n'est pas nécessaire de demander. Quelle est la raison de cette institution envers ce rituel, par exemple? Who cares? Ce serait la réponse normale de l'informant. Mais l'informant, par respect à l'anthropologue, dit « Bon, je pense que... » Donc, ils inventent et créent des séquences verbales de choses que n'ont pas d'origine verbale. Et donc, il faut ce qu'ils disent, il faut se méfier de la, comment est-ce qu'ils appellent, de folk, de cette connaissance qui est produite dans le rapport. Il faut surtout, au moins, savoir qu'une grande partie de ces choses que les gens connaissent n'ont pas été produites à travers la langue, mais à travers... les autres sens, l'ergonomie, les notions d'espace, les notions de temps. Donc il y a beaucoup de connaissances. Et un exemple clair, c'est comment est-ce qu'on apprend à conduire? On apprend à conduire à travers des arguments verbaux, on apprend à conduire à travers le fait qu'on bouge, qu'on utilise le tact et la vision pour se spatialiser, pour se disloquer. C'est vrai que la cognition verbale peut complémenter d'autres formes de cognition, mais elle n'est pas nécessairement le centre de ce que les gens connaissent. il vit. Donc cet argument, ça m'a beaucoup intéressé. Aussi parce qu'il nous aide à amener une enquête aussi sur ce qui est la raison, ce qui est l'intelligence, ce qui est la rationalité, qui va beaucoup au-delà de ces formes propositionnelles de rationalité que des gens comme Dan Sperber nous proposent et qui en fait c'est comme un filtrage vraiment de l'argument lévi-straussien. C'est pas moi. Et j'ai trouvé ça aussi, je parlais hier, en ami commun. Il y a quelque chose, j'ai fait mon apprentissage en anthropologie dans un milieu très structuraliste, donc très, très, très influencé par pas la bande dessinée franco-belge, mais l'anthropologie franco-belge. C'était à la fin des années 70, il y avait encore les livres de Lévi-Strauss dans les. Donc c'était avant le moment postmoderne. Et ce qui est. Donc, c'est intéressant que. Donc j'ai lu mon Lévi-Strauss et récemment j'ai décidé de retourner à Lévi-Strauss précisément par la voie des études de la cognition. Et il y a quelque chose que je me suis rendu compte, et je pense que c'est intéressant aussi comme complément de ce que je dis. Et en effet, il y a un article que j'ai trouvé il n'y a pas beaucoup de temps d'une chercheure canadienne, son article s'appelle The Cybernetic Matrix of French Theory. C'est un très intéressant article. Sur quoi? Sur le fait qu'en quelque sorte, Lévi-Strauss, au début de sa carrière, a comme caché ses traces. C'est-à-dire, donc, comme vous savez, Lévi-Strauss a été beaucoup influencé par Roman Jakobson, par la linguistique structurelle, par la phonologie, ou bien, au moins, il le dit. Il le dit qu'il a été très influencé par la phonologie. Mais en fait, Lévi-Strauss a eu beaucoup de contacts à la fin des années 40 avec Norman Wiener. Norman Wiener, c'est le père de la cybernétique. Il le cite une fois ou deux dans ses textes, mais pour la plupart, il a vraiment caché les traces de son influence cybernétique. Mais si on relit Lévi-Strauss à travers cette connexion, on voit vraiment que Lévi-Strauss avait cette idée que le cerveau était vraiment comme un ordinateur. Et donc, non seulement le cerveau individuel était comme un ordinateur, mais l'inconscient collectif, c'est-à-dire la pensée sauvage, est un ordinateur. C'est une machine de Turing. Ce qui est très intéressant, c'est très désuet, en quelque sorte. Mais c'est cette vision que la pensée collective fonctionne en termes binaires basés sur l'opposition est vraiment la base de la cybernétique. Et la question, c'est est-ce que le cerveau est vraiment comme une machine à Turing? Est-ce que la machine à Turing est le modèle pour penser la rationalité? Moi, je ne crois pas que ça soit le cas. C'est pas cet anthropologue qui a écrit l'article? Quelque chose de La Fontaine. Et ce n'est pas une femme. je vous trouverai, j'ai le lien de l'article ici, dans mon smartphone. Et ça, donc, comme je disais, en quelque sorte, Dan Sperber est vraiment en Lévi-Strauss très poussé dans le sens qu'il y a une vision de la rationalité qui est complètement basée sur la logique oppositionnelle, sur une logique oppositionnelle qui est complètement basée sur la structure linguistique. Et donc, comme j'ai un autre petit complément. Je me suis intéressé pour ma thèse doctorat sur la littérature médiévale allemande. Donc, je ne suis pas un bon anthropologue. Je me suis intéressé sur les visions de l'Asie dans la littérature médiévale et aussi sur les bestiaires. Donc, j'ai fait un peu de recherche de terrain au IIe siècle. Et ce qui a vraiment, m'a vraiment surpris et m'intéressait, c'est la prévalence de formes logiques qui sont beaucoup au-delà de ces caractères oppositionnels. En particulier, la notion de réversibilité entre termes, d'ambiguïté, de paradoxe. Tous les narratifs sont pleins de paradoxes, sont pleins de réversibilité, sont pleins d'ambiguïté. Il y a cette vision structuraliste, ça n'intéresse pas. Donc, si on trouve de l'ambiguïté, c'est parce qu'il y avait déjà de l'opposition. Et peut-être que ce n'est pas le cas. Mais bon, ça c'est le genre de question que je me posais. Et un jour, j'ai rencontré M. Tim Ingold. Et toujours, je pense, quand un anthropologue est à la mode, je pense que c'est mieux de ne pas le lire. Mais au fait, il est très, très sympa. Très sympa, je l'ai connu. Il m'a invité. On a fait un séminaire sur le dessin et anthropologie. Parce qu'il me connaissait quelque chose que j'avais fait avec une copine, une collègue. C'était un article sur l'importance aussi du dessin dans la recherche ethnographique. Elle faisait de la recherche sur le contrebande au nord du Portugal. Donc, aux années 40-50, il y avait... Vous savez, le Portugal, c'est un tout petit pays qui a trois fleuves qui ont connexion avec l'Espagne et qui font, en quelque sorte, en des parties des frontières. Donc, un de ces fleuves est le Douro. Et le Douro, donc, pour passer le Douro, avant, c'était très difficile. C'était vraiment... comme un abîme entre le Portugal et l'Espagne, c'était très difficile à faire le saut, soit pour faire l'émigration, soit pour faire le contrebande. Donc il y avait toute une structure de technique pour arriver à sauter d'un côté à l'autre. Mais il n'y avait pas des photos, c'est-à-dire les gens qui faisaient le contrebande ne portaient pas des appareils photo. Donc ce qu'on a fait, c'était un travail intéressant. Je faisais des dessins qu'elle montrait aux informants, des gens qui avaient fait ce genre d'activité un peu illégale. Et ils disaient non, c'est pas comme ça, parce que oui, ça c'est bien, mais ça peut-être on faisait plus comme ça. Donc c'est le dessin. Au fait, c'était comme le point de départ pour éliciter des informations et des mémoires. Donc, on a fait ce chapitre, ce texte, et Tim Ingold l'a cité, ce qui est très intéressant. Donc, quand je vais à mon Google Scholar, c'est le texte le plus cité. Ce qui est, pour moi, ça me dit ça dit beaucoup plus de Google Scholar que de moi, parce que j'ai seulement fait les dessins. Mais c'est comme tout le reste des choses que je fais n'intéresse pas, parce que. Mais bon. Et donc, à partir de là, il m'a invité. On a fait un très, très intéressant séminaire avec des anthropologues de son équipe, parce qu'il a un projet IRC, donc des millions, qui travaille sur les modes de connaissance pas verbales. Donc, comment on acquiert de la connaissance en faisant ce que les gens font. Donc, il travaille avec, par exemple, des pastoralistes ou des pêcheurs, et ils font, les chercheurs font de la pêche, et c'est une façon de connaître le terrain à travers les mains, à travers l'activité, qui c'est vraiment ce que M. Malinowski aurait dit de l'observation participante. C'est participer non seulement avoir des entretiens verbaux, mais être là pour connaître de l'antérieur. C'est vraiment le titre de son projet, c'est Knowledge from the Inside, connaître de l'antérieur des activités, des activités humaines dans leur contexte écologique, etc. C'était dans ce contexte qu'on a parlé de dessin. J'avais un peu discuté cela dans l'année dernière. Qu'est-ce que c'est le dessin? Et donc j'ai commencé, parce que toujours j'ai fait des dessins. Et qu'est-ce que c'est le dessin? En effet, et pourquoi il y a des gens qui font des dessins, il y a des gens qui ne font pas des dessins. Et au fait, il y a aussi cette question. Il y a des gens qui font des dessins, il y a des gens qui ne font pas des dessins. Pourquoi faire des dessins? Et pourquoi aussi intégrer le dessin dans la sous-discipline de l'anthropologie visuelle? Et j'ai pensé, ça, il y a quelque chose qui ne bat pas, qui ne va pas. Parce qu'en effet, je ne me sens pas comme un anthropologue visuel. C'est-à-dire que quand je fais des dessins, je ne suis pas là en train de visualiser ou de reproduire quoi que ce soit. Mon travail en tant que dessinateur ou en tant que complémentant le dessin, ce que j'écris avec ce que je dessine, n'a rien à voir avec vouloir visualiser ou reproduire des scènes pour les faire visualiser à d'autres gens. C'est un travail qui est complètement non visuel, en quelque sorte. Ce qui est peut sembler un peu paradoxal, mais je ne fais pas ça. Je ne veux pas reproduire rien. Je veux seulement faire un travail de conceptualisation à travers le dessin, qui est complémentaire avec la connaissance que j'acquiers et que je peux écrire. Donc, le rapport entre l'écriture et le dessin est beaucoup plus fort, je pense, que le rapport entre le dessin et d'autres moyens captation visuelle, c'est-à-dire une machine, un appareil photo, une caméra vidéo. Ont un bout qui n'a rien à voir avec le bout de faire des dessins. Faire des dessins, c'est plutôt intégrer et accoupler mon imagination avec les informations sensorielles que j'ai, et le produit, en quelque sorte, c'est secondaire. Ce qui est un peu difficile à démontrer, parce qu'on peut seulement le démontrer en montrant les dessins. Mais je pense qu'il faudrait faire une séparation clinique en termes théoriques entre ce qu'on fait au terrain comme dessin et ce qu'on voit comme produit fini. Le produit fini est peut-être intéressant, peut-être pas. Mais c'est un autre jeu. C'est un jeu qui n'a rien à voir avec ce que je fais au terrain. C'est-à-dire, c'est un jeu de partage, c'est un jeu d'éliciter l'imagination des autres, mais pas de produire la connaissance dans l'autre de ce que j'ai connu. Ce qui est un peu difficile à expliquer. Si je suis trop confus et aussi je dis trop de bêtises, poser des questions. Mais je voulais vraiment mettre ça en devant. C'est que le produit, c'est quelque chose c'est quelque chose de faux. C'est toujours le faux. C'est une illusion c'est donner l'illusion que les autres peuvent partager ce que j'ai expérimenté, ce qui ne peut jamais être le cas. Parce que qui voit un dessin ne peut pas partager le travail d'arriver à faire le dessin. Et ça, c'est pour l'anthropologie, c'est ce que je pense que c'est important. Pour l'art, c'est une autre chose. Mais l'art, c'est vraiment l'art du faux. Peut-être que je suis trop radical, mais peut-être pour expliquer ce que je veux dire. Il y a un texte allemand qui est du Moyen-Âge qui est très intéressant. Ça s'appelle le Pfapfer Amis, le pauvre, le père Amis. C'est une histoire d'un évêque allemand au XIe siècle, XIIe siècle, qui arrive à la cour du roi à Paris. Il vient à Paris et il se présente comme un grand peintre. Et le roi, vous êtes allemand, on comprend allemand. Est-ce que vous pouvez m'aider est-ce que vous pouvez peindre mon palais? Et il lui dit, bien sûr, je peux faire des dessins, des peintures merveilleuses de la Bible, de le Genesis, le Nil, la mer Rouge. David, donc il dit, je peux faire la Bible, reproduire la Bible dans les murs du palais. Et le roi dit, parfait, c'est ce que je veux. Mais le père Amis dit, bon, mais il y a un problème. Mes peintures sont des peintures sacrées, et seulement les gens qui ne sont pas, qui sont de naissance légitime peuvent les voir. C'est-à-dire les bâtards ne peuvent pas voir ces peintures. Et on va dire, pas de problème, allez-y. Donc le peintre, pendant des mois, vit très bien au palais, il ferme le palais pour lui-même, et il mange, il gagne de l'argent, il passe son temps, il ne fait rien. Et à la fin... Le roi dit, est-ce que je peux voir? Oui, finalement j'ai fini. Et donc il se promène avec le roi, les murs sont tous blancs. Il dit, bon, vous voyez, là, Adam et Ève, il y a ça, il y a ça. Et le roi, oui, c'est sûr. Et après, il invite la cour, et la cour, ils savent qu'ils doivent dire, parce que le roi a vu. Oui. Donc toute la cour voit les peintures qui n'existent pas. Donc je pense que c'est un texte qui est à la base beaucoup de narratives, quelques-unes populaires, d'autres érudites. Miguel de Cervantes a écrit sur cela. Anderson a fini par écrire sur cela. Borges a écrit sur cela. Donc il y a tout un courant de gens qui ont travaillé. Mais je pense que cette histoire encapsule bien ce que c'est la peinture. La peinture, c'est ce qu'on veut voir, même s'il n'y a rien. Donc c'est toujours un jeu de faire voir ce qui n'est pas là. Et pour l'anthropologue, ça n'intéresse pas. C'est pas ce qui intéresse dans la recherche anthropologique, de montrer ce qui n'est pas là, mais plutôt d'essayer d'intégrer dans le cerveau ce qui est là. Donc c'est le processus qui m'intéresse. Le problème, c'est que pour publicité ou pour faire valider mon point de vue, je sais que c'est bien de montrer les dessins. Mais c'est là un jeu de falsification que je sais que je fais. Donc je ne vais pas montrer mes dessins. Mais donc ça c'est mon argument. Il y a un lieu pour penser au rapport entre l'écriture et le dessin. Je dis beaucoup de fois, quand les gens disent, j'ai fait des séances de séminaires sur dessin et anthropologie dans des contextes différents. C'est aussi intéressant de faire un peu l'ethnographie de ces sciences, parce que j'ai fait des séances de dessin en Inde, en Éthiopie, ici à Paris, je l'ai fait à Hambourg l'année passée, à Londres. Et c'est aussi intéressant de voir la façon dont les gens appréhendent. Quand je suis arrivé en Allemagne, c'était très intéressant parce que j'ai été bombardé avec des questions parce que les Allemands voulaient savoir exactement ce que je voulais dire. Donc c'était absolument systématique. C'était les Anglais, c'est plutôt. Je ne crois pas, j'ai un point de vue comme ça. C'est intéressant de voir les variations culturelles. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens disent « Ah, mais bon, allons faire une expérience au terrain. Sortons et faisons des dessins. » Il y a des gens qui disent « Ah, mais je n'ai jamais fait des dessins. Depuis que j'ai 5 ans, que je ne fais pas de dessins. » Et mon contre-argument est toujours le même. Est-ce que vous pouvez écrire ? Oui, je peux écrire. Mais qu'est-ce que c'est écrire ? Quelle est la différence entre faire un A et faire une tête ? Aucune. Aucune. Écrire, c'est dessiner. Et dessiner, c'est écrire. Donc l'idée que si on ne soumet pas aux limitations du réalisme ou du naturalisme du produit, si on outrepasse la frustration de ne pas faire un dessin très achevé parce que il n'est pas montrable aux autres, si on retire cette question de l'équation, on sait qu'on peut utiliser le dessin comme une partie importante de l'acte d'intégrer, par exemple, une scène en une séquence. C'est-à-dire que le dessin ne doit pas être comme une version alternative à l'écriture, mais quelque chose qui peut se complémenter et converger absolument avec l'écriture. Et ça m'a... C'est ce genre de choses qui m'intéresse à présent. Non, c'est la... Quand je dis dessiner, c'est absolument convergent et complémentaire à l'écriture. C'est aussi dans le sens qu'on écrit plus technique, plus poétique, moins poétique. C'est ce qu'on fait au terrain reste dans le terrain en quelque sorte. Ouais. C'est-à-dire, on écrit, mais on va pas. Quelquefois, on peut retourner aux notes. Ouais. Quelquefois, on peut retourner au dessin. Mais en fait, quand je pense, si je retourne seulement, je visualise mes cahiers seulement dans des circonstances assez limitées. C'est quand quelqu'un me demande un dessin. Je n'ai pas besoin de revoir mes dessins. Il n'y a aucune raison de revoir les dessins parce que c'est comme un cimetière. Donc j'ai une étagère pleine de choses mortes. Ce sont les restes physiques d'une activité. Parce que ce qui a été important, c'était l'activité de faire le dessin. Et ça, que le dessin soit plus technique, c'est-à-dire en Éthiopie, je m'intéresse, je travaille sur des légendes oraux autour au nord d'Éthiopie, donc il y a beaucoup de questions sur. Ça a été une façon d'entrer dans le terrain parce qu'on n'est jamais neutre. Je ne serai jamais abyssinien. Je ne serai jamais allemand ou français. Et quand les gens me demandent d'où viens-tu, je ne peux pas leur dire que je viens d'Asie. Donc, je dis, quoique, j'ai été déjà appelé China. Mais c'est parce que maintenant, c'est les Chinois font tant de routes en Éthiopie que les seuls non-noirs, non-éthiopiens qu'ils voient sont des Chinois. Donc, s'ils voient quelqu'un un peu différent... Il doit être sûrement chinois et pas en Ferenc, pas en blanc. Mais J'ai dit, bon, je suis portugais. Ah, les Portugais, ils ont été ici. Bon, ça, c'est, il y a 400 ans. Donc, j'ai commencé à collecter ce genre de légendes qui parlent d'un changement dynastique au XVIIe siècle, les troubles de religion, aussi des troubles de la présence romo au plateau. Les dissensions religieuses qu'il y a eu au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, entre les orthodoxes et les orthodoxes hétérodoxes, et la façon dont les missionnaires jésuites ont en quelque sorte été utilisés dans cette dissension entre ordres monastiques en Éthiopie, et aussi la présence de châteaux, parce qu'il y a eu comme cette obsession à partir d'un moment donné, les rois devraient avoir des châteaux. Donc, ils utilisaient des architectes yéménites et aussi des architectes venant d'Inde, de Diu et de Goa, pour faire de la maçonnerie et faire de l'architecture des châteaux. C'est intéressant parce que c'est comme si les rois éthiopiens avaient eu contact ou information des maps monde européens qui toujours représentaient le roi éthiopien dans un château. Et donc, c'est comme ils sont dit, bon, si les Européens nous voient avec des châteaux, on doit faire des châteaux. Bon. Je caricature, mais la séquence est un peu celle-là. C'est l'influence d'une architecture exogène en Éthiopie par ce jeu de masque entre l'Éthiopie, l'Europe, l'idée du prêtre Jean, mais aussi, comme j'ai dit, aussi l'influence yéménite. Et donc, j'ai fait des dessins qui sont plutôt techniques parce qu'il y a des changements de structurels dans les châteaux. Donc ça, c'est un genre de choses que j'aime bien faire. Mais il y a aussi mille autres choses. Je peux faire le dessin de quelqu'un, d'un prêtre que j'interview. J'ai pas besoin de retourner au dessin du prêtre. Enfin, c'était une façon pour moi de rapporter le visage, cette personne avec cette histoire. Et donc, c'est parti d'un enchaînement de fixation de ma mémoire, des choses qui m'intéressent. Donc, rapporté entre un genre de légende, un contexte, j'étais dans ce village perdu quelque part en Éthiopie. Donc, le dessin sert à tout ça. Peut servir à faire à représenter de la culture matérielle, c'est le staple food, c'est le plus basique. Peut servir à faire des diagrammes, à faire des maps, des cartes, c'est comme l'écriture, ça sert à tout. Acquisition de connaissances, de fixation de la mémoire, de représentation, des choses qui peut-être on ne les voit pas. Ou bien, quand je fais un dessin, par exemple, c'est une scène, je peux faire une scène, mais la scène n'existe pas en soi. C'est-à-dire, elle existe, mais je peux mettre une personne qui était là 10 minutes après que l'autre a été sorti. La voiture a passé, mais l'enfant seulement une demi-heure après. Donc, ça, peu importe. Si mon sous-conscient me dit... allez-y, fais ce dessin, c'est parce qu'il y a des éléments presque, en quelque sorte, presque conceptuels, sont comme des images qui sont des concepts qui s'intègrent dans un tout harmonique pour me fixer une mémoire de cet endroit, quoique il n'a jamais eu une situation où cet enfant était près de cet homme parce qu'ils sont séparés par demi-heure de distance, de demi-heure de présence ou absence. Mais c'est un travail de, comme je dis, plutôt de fixation de mémoire. Et aussi quelque chose que je pensais assez important, et c'est pourquoi le dessin Et un complément important du travail ethnographique, c'est ça pousse à bien observer. C'est une question d'avoir le temps. Et c'est de ça que Tim Ingold parle. C'est la nécessité. Ce qu'on apprend au terrain, on l'apprend seulement parce qu'on a eu le temps d'y être là. Et y être là, c'est précisément acquérir une multiplicité de connaissances qui sont beaucoup plus au-delà de la simple cognition verbale.